Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez le groove ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, j'ai passé ma nuit au fisc, alité, pour faire bouclier de mon corps, histoire de contraindre les nababs à la solidarité. Mais bien sûr, je me suis fait emplafonner par ceux qui se sont goinfrés sans vergogne de ce gros gâteau fiscal. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, sans vergogne, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 29 s'annonce chaud lapin. Chaud lapin ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Bugs Bunny ? Quoi de neuf, docteur ? Oh ben, ça va plutôt pas mal, il fait beau pour la saison, les gens battent le pavé, et moi je vous envoie la première brique. Attention, c'est parti, dragueur. Dragueur, dragueur de mine, mineur de fond, au fond du trou. Ah ben forcément, c'est l'escroc Bernard Madoff. Madoff au Newf. En voilà déjà un en prison. Et enchaînons avec la deuxième brique. Dux. Dux ? Non, Dus. Jean-Claude Dus. Et là, je sens que je vais conclure en deux briques. Et franchement pas, allez, faites gaffe, dernière brique, Venise. Ah, ok doc. Le dragueur vénitien qui a sombré au château de Dux, nous accueillons bien sûr ce matin Giacomo Casanova. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cet insatiable croqueur. Planquez-vous les gazelles et accueillons au labo monsieur Casanova. Allez Giacomo, à table. Je dis toujours, c'est quand même bien le printemps. Non, c'est vrai, c'est cool quoi. Je sais pas, c'est peut-être l'odeur de la pluie et tout ça, quoi. Mes copains m'appellent Nova. Tu comprends, Casa, Nova. Mais c'est nul. Mais c'est ça, vas-y, t'es pas obligé de te foutre de ma gueule. Mais non, mais faut que t'apprennes deux ou trois trucs, c'est tout. Lesquels ? Déjà, arrête d'en faire trop. Te crois pas obligé d'emmener les nanas dans des coins pittoresques pour leur débiter des poésies ringardes. Continue. Il faut que t'apprennes à écouter les filles. Et puis pense aussi à ce qu'elles veulent, elles. Les relations, c'est pas à sens unique. Allez, Casanova, je te ramène à tes copains. Oh, le désastre ! Ah bah oui, hein ! Les temps ont changé, monsieur Casanova. Vos recettes de séduction à la papa, là, c'est terminé, mon vieux. Certes, vous demeurez assurément le libertin le plus célèbre de l'histoire, mais vous semblez bien mal en point, Giacomo. Alors débutons immédiatement notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer sans plus attendre ce qui nous tourne-boule au cœur de votre structure mentale de séducteur effréné. Eh bien voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est que derrière l'image glamour d'un homme qui toute sa vie a cultivé le plaisir des sens, se dissimule une certaine forme de vanité, comme nous le précise d'ailleurs le meilleur spécialiste de Casanova, le professeur Robert Abirached. L'homme de vanité, oui. Et l'homme de vanité, dans les deux sens du mot vanité, vanité au sens moral, vanité peut-être aussi au sens vacuité. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un homme qui s'est projeté dans une image de lui-même, et cela très tôt, qui est un comédien fondamentalement, et qui s'étourdit, et qui vole de succès en succès, parce que ses démarches dans le quotidien correspondent sans aucun hiatus à l'image qu'il veut donner et qu'il veut croire de lui-même. Ce qui donnait un peu de monde. Et la force de Casanova, du moins telle qu'il se décrit et telle qu'il s'est mythifié, c'est que l'écart entre ces deux images, la réelle et la mythique, est extrêmement réduit en ce qui le concerne lui, de la manière dont il se voit et de la manière dont il se voit avec les autres. Et c'est cela, je crois, la vanité, avec ce côté naïf et charmant en même temps, parce que si vous voulez, Narcisse simple, Narcisse heureux, c'est charmant. Oui, votre force, monsieur Casanova, c'est évidemment votre faiblesse sous-jacente, car il suffit qu'un regard suspect écorne votre image de beau gosse, et aussitôt, vos effroyables fêlures narcissiques vous déstabilisent à tel point que vous en devenez charmant. Une arme redoutable dont nous chercherons à percer les mystères durant nos 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre charmeur égotique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient frénétiquement séducteur par une incubation de l'ensorceleur démoniaque Mick Jagger. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. Watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach. Pour le démon de midi, c'est la proposition des démoniaques Rolling Stones en 1968. Le plus grand philosophe du monde, n'est-ce pas, non pas sur une planche de bois, mais devant une jolie femme qui lui fait un sourire, répond aussi par un sourire, bien qu'il sache qu'un sourire n'est qu'un sourire, et que souvent le sourire est sordide, c'est un sourire flatteur. Donc, il y a et certainement, même par rapport à l'apparence, un invincible préjugé favorable à cette apparence, en faveur du sourire, et par exemple, la beauté reste persuasive, même après qu'on a reconnu la stupidité de cette beauté. Une fois qu'on sait qu'elle est sotte, eh bien, elle continue à nous persuader. Avant tout, le ministère psychique remercie vivement le vénérable professeur Vladimir Yankelevitch pour cette introduction de toute beauté au patient qui nous intéresse ce matin, à savoir le champion international de la séduction, l'aventureux aventurier Casanova. Giacomo Casanova est italien, bien entendu, puisqu'il est né à Venise le 2 avril 1725 de parents comédiens, une porte d'entrée dans la vie vénitienne qui le conduisit tout droit sur le chemin de l'aventure. Et Giacomo fit de Venise son terrain de jeu, où les conquêtes féminines et mondaines se succédèrent. Ainsi, Casanova lia amitié avec le cardinal de Bernis, envoyé par Louis XV comme ambassadeur de France dans la République de Venise. Et les deux hommes partagèrent alors leurs conquêtes amoureuses. Pendant que l'un pratiquait, l'autre observait, en voyeur, avec systématiquement un débat après le spectacle. « Toutes mes félicitations, jeune homme. Je dois dire que votre performance a été excellente. Du reste, j'avais entendu vanter vos mérites dans des termes extrêmement flatteurs. Si l'on veut se montrer exigeant, ça fut peut-être un peu moins bien dans la position sur le dos. Là, vous manquâtes un peu de, disons, de fantaisie. Mais dans l'ensemble, ce fut certes, oui, vraiment, travail bien fait. Bravo. Monsieur l'ambassadeur, votre approbation est cause de grand orgueil pour moi. Je tiens cependant, si vous le permettez, à préciser encore que mes capacités sont plus vastes que ceux dont vous êtes spectateur. Car j'ai aussi étudié les sciences, les lettres, et suis versé aussi dans l'art de la politique et la science de l'économie. J'ose ajouter que je crois que certaines de mes découvertes seraient de nature à me faire inviter à la cour de Sa Majesté le Roi de France. Outre que je me suis adonné à des travaux d'alchimie, qui m'ont presque conduit à faire croître le volume du mercure, je suis un kabbaliste émérite. Tiens, prends. Et j'ai inventé aussi une infaillible méthode pour doubler les bénéfices d'un État, et ce, en moins d'une année. Avec humilité, je vous demande, Votre Excellence, une lettre de présentation. Je suis prêt, s'il le faut, à partir immédiatement demain pour votre merveilleux pays que j'aime et considère comme ma seconde patrie. Et en effet, Casanova considérait la France comme étant sa seconde patrie. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de le voir débarquer à Paris en juin 1750, quand il est obligé de fuir la République de Venise qui venait de le condamner à la prison pour, entre autres, son impiété et sa débauche. En France, Casanova découvrit un environnement tout à fait favorable à l'épanchement de ses penchants. D'autant plus que Giacomo ne maîtrisait pas encore totalement la langue française. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais qu'y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourrais si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec vos amis, ou même ton famille. Les liaisons dangereuses. D'après la nouvelle de Daphné du Maurier, plus mal à propos tu mourus. Sorties en novembre. Et les liaisons dangereuses, Casanova va les multiplier dans la France de Louis XV, où l'immigré vénitien fait tout pour s'attirer l'estime des puissants de la cour, au point d'obtenir ce qu'il désire, avec tout de même quelques talents. Parlons d'abord de ses talents de financier. Il les a établis sur une petite escroquerie. Convoqué un jour, sur la recommandation du cardinal de Bernis chez Paris du Vernet, annoncé à celui-ci comme un grand financier, il se voit attribuer le projet d'une loterie à laquelle il n'a jamais pensé, et dont les plans ont été dressés par un mathématicien italien nommé Calzabigi. Dans cette circonstance, Casanova ne se montre pas seulement bonhomme d'affaires, il dévoile aux yeux de ses interlocuteurs des connaissances étendues dans le calcul des probabilités. C'est sur le vu de ces calculs, établis par lui et par Calzabigi, que le décret instituant la loterie, dont les bénéfices devront servir à construire l'école militaire, est signé. Ainsi, Casanova utilisa ses talents mathématiques à son propre compte et au service de la France à travers l'école militaire, un projet architectural d'envergure hautement soutenu par Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, Une belle pièce que l'impénitent Casanova aurait bien aimé accrocher à son tableau de chasse, mais l'affaire n'était pas si simple. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme maintenant qu'on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose, quelle horreur. Oh, et puis alors il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. J'ai envie de vomir. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Berk. Berk, berk, berk, berk, berk. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout. Et Casanova sait s'imposer auprès des gonzesses, et c'est pour cela qu'il est passé à la postérité. D'ailleurs, toujours durant son séjour en France, Casanova a évidemment multiplié les conquêtes, comme par exemple la marquise d'Urfé, qui se voulait alchimiste et à qui Casanova a réussi à faire gober qu'il était magicien. En revanche, à la cour de Louis XV, certaines femmes ont su duper le grand Casanova, tel cet espion du roi, le chevalier Déon. Voulez-vous tenir ma femme ? Je ne peux pas vous épouser. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Je ne peux pas vous épouser parce que... Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme ? Poli mon style, correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Pas besoin d'un référendum. Ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre pair. Elles sont en nombre pair. Un argument de poids qui explique sans doute pourquoi Casanova a ensuite quitté la France pour prolonger sa route et sillonner l'Europe pour finir sa vie en Autriche, au château de Dux, où il mourut en 1798. Il fut un nomade insatiable qui ne cadre évidemment pas avec les aspirations profondément réactionnaires de notre monde. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Casanova représente un danger pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, je me suis penché sur le Casanova, le dossier d'un casanoviste, stacanoviste de la séduction, évidemment passionnant, mais dont la vie ne se résume pas à la simple lecture d'un catalogue donjouanesque. Bien entendu, Giacomo Casanova est un sacré lover qui enlace les dames. Mais il n'est pas un vulgaire lovelace. Casanova fut aussi un homme des Lumières, un érudit féru de mathématiques, de sciences et de lettres. Il n'est d'ailleurs qu'à relire quelques pages de ses mémoires, l'histoire de sa vie, pour se rendre compte que son talent n'est pas uniquement sexuel. En effet, à partir de 1789, Casanova, vieilli et réfugié en Bohême, rédige en français ses mémoires, un merveilleux panorama de l'Europe des Lumières. Et c'est la mort qui l'interrompt en 1798, dans une Europe en passe d'être transformée, agitée par la fièvre révolutionnaire. Cependant, il faut attendre encore un quart de siècle pour que ses mémoires soient enfin publiées à titre posthume et encore de manière censurée. La révolution est passée, l'Empire a posé son carcan moral et Casanova, même mort, fait autant scandale que de son vivant. Les mémoires sont d'ailleurs interdits par l'Église qui condamne ses penchants pernicieux pour le libertinage et le pape trouva judicieux, en lisant les mémoires de Casanova, de se mettre à l'index. De les mettre à l'index. Voilà, la figure de Casanova est donc réduite au plaisir de la chair et au libertinage car Casanova, innova et rénova le genre, quelques petites paronomases, pour celui dont le nom devint une antonomase. En effet, Giacomo Casanova a poussé si loin sa belle réputation de séducteur que son propre nom est quasi devenu un nom commun. Oui, d'un séducteur invétéré, on dira qu'il est un Casanova. Tout comme d'un avide de pouvoir, on dira qu'il est un Napoléon. Et d'un Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, on dira que c'est un Crésus. Voilà, c'est comme ça. Certaines figures majeures deviennent des symboles, au point de donner leur nom à ceux qui suivent leur voie. Un Casanova, un Napoléon, un Crésus, un Judas. Bon, d'accord, professeur Colin, la langue française est vivante. Les expressions évoluent et les références changent. Ainsi, en ce moment, au Parti Socialiste, il est courant d'entendre « agir en Kouchner ». De même, dans les couloirs du ministère de la Justice, si on vous dit que vous avez un caractère de dati, c'est très mauvais signe. Mais il y a pire. Être un fiéfé hortefeux, je vous assure, ce n'est pas une gentillesse. Et l'autre jour, dans la rue, écoutez, j'entends un quidam traiter un autre d'Éric Zemmour. Bon, les deux hommes se sont évidemment battus, ça a mouché rouge, c'était terrible. Professeur Colin, dans ses mémoires, Casanova explique, avec humour, que dans l'examen de la beauté d'une femme, la première chose qui l'écarte, ce sont les jambes. Eh bien, pour ma part, dans la sauvegarde de l'esprit des Lumières, la première chose que j'écarte, c'est Éric Zemmour. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre passion. Instabilité chronique et manipulation par la séduction. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, dont les volumes de ses mémoires sont riches d'informations sur sa vie, mais dont la liste des conquêtes n'est évidemment pas exhaustive. Et oui, Casanova ne pouvait pas se souvenir de tout. Te souviens-tu d'un jour de septembre où il avait tant plu? Sister, c'est l'âme sœur d'Émilie Loiseau. Quant à Loiseau de Casanova, il eut même droit aux faveurs d'une bonne sœur. Ainsi soit-il. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les tribulations névrotiques de Giacomo Casanova à la cour de Versailles, il est temps, me semble-t-il, de resserrer un peu plus encore notre analyse tragicomique autour d'un aspect fondamental de la psyché de notre patient, à savoir son rapport aux sentiments amoureux. Avant tout, je crois qu'il faut en offrir une définition en creux, voire en négatif. Car souviens-toi qu'au siècle précédent, au XVIIe, un autre personnage est resté célèbre lui aussi pour ses moult conquêtes féminines. D'ailleurs, bien souvent, on compare Don Juan à Casanova à tel point qu'ils sont devenus des synonymes du vocabulaire français. Et pourtant, attention, première précision essentielle, du point de vue de la prédation, sache qu'en réalité, rien n'est moins vrai. À votre sens, y a-t-il une différence vraiment profonde dans la psychologie des deux personnages entre Don Juan et Casanova? Bien sûr que oui. C'est que l'un, j'entends Don Juan, cherche à travers l'amour une revanche sur la vie, un défi porté à la fois contre la mort et contre les structures sociales, les structures religieuses de son temps. Alors que Casanova, c'est exactement le contraire. C'est un homme qui prend la vie comme elle vient, qui séduit les brunes et les blondes, mais s'il fait un catalogue, ce n'est pas pour ainsi dire prouver la profondeur de son être, mais c'est simplement pour le plaisir. Et enfin, toujours dans la même ligne, Don Juan brise les femmes qu'il aime, et il n'est content que quand il les a réduites totalement esprit et corps, alors que Casanova, tout au contraire, n'est jamais si heureux que quand il laisse la femme heureuse elle-même. Oui, à la différence de Don Juan, primo, Casanova était un personnage du réel, et surtout, notre patient fut un être animé par la bonté. Ce fut un homme généreux et régulièrement il dilapidait des fortunes en cadeaux et folies pour ses conquêtes féminines. Mais il était aussi capable de faire don de lui-même pour sauver une femme en détresse. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier qu'au départ, Casanova avait choisi la carrière ecclésiastique, dis donc, et c'est évidemment par charité chrétienne qu'il a succombé au plaisir des sens. En 1742, ainsi qu'il le raconte lui-même dans ses mémoires, Casanova revient à Venise. Il a 18 ans. Il est diplômé de la ville de Padoue. Il vient de recevoir les ordres mineurs et le voilà donc abbé. Voici Marinella, la sirène de beauté. Oh, la noble dame Contarini m'honore de sa considération et souhaite que je l'accompagne tous les jours au couvent Santa Zaccaria pour y faire la conversation en latin avec sa fille Lucia qui y est cloîtrée. C'est vraiment une queue de poisson? Venez demain, une heure après compli. La porte du potager sera ouverte. Personne ne doit vous voir. Marinella! Présentez-moi ce charmant jouvenceau, comme il a de beaux yeux. Si jeune et déjà abbé. On a si peu l'occasion de faire des rencontres sous l'eau. Vous êtes bien l'abbé Casanova? Oui. Alors il faut venir tout de suite avec moi. Où ça? Allez vite, venez, je vous expliquerai, c'est très important. Elle est pas un peu grosse comme sirène? Ah, j'ai bien failli m'enfuir, tant j'étais effrayé, tous ces gens autour de moi. Et puis j'ai été happé par cette vieille folle qui s'est approchée de moi. C'est une malédiction d'être sirène. Comment ça? Un sorcier m'a jeté à sœur. Et regardez ce qu'il a fait de moi, même pas un monstre entier, un demi-monstre. Hé, il n'y a pas moyen de congérer le sort? Bon, si, hein. Comme d'habitude, un baiser d'amour. C'est à ta demande que je viens dans ce bordel et tu t'étonnes de m'y voir? Un baiser d'amour? Tu as l'intention de persévérer vraiment dans la carrière ecclésiastique? Mais oui, c'est mon intention. J'ai pris les ordres mineurs, mais je n'ai pas encore prononcé le vœu de chasteté. Pourquoi vous êtes gentil comme ça avec moi? Ça y est, je suis de nouveau moi! Je suis comme avant, je ne vous oublierai jamais! Le démon a quitté cette jeune fille. Maintenant, on peut vraiment dire qu'elle est libérée. La maman des poissons, elle est bien gentille. Et c'est ainsi qu'à l'aube du 12 septembre 1742, Giacomo Casanova renonça à la carrière ecclésiastique pour embrasser celle de libertin. Drôle d'histoire que la métamorphose de cette sirène vénitienne sur le parapet du Rialto. Et pourtant, comment y voir autre chose que l'altruisme de Casanova ? Certes, ce fut un libertin, fieffé perfide dans l'art de la séduction. Mais sa quête du ravissement fut avant tout fondée sur le partage des émotions. Vois-tu, ceux qui accusaient Casanova d'égoïsme frivole dans sa manière d'aimer ignoraient totalement en réalité le paradoxe de sa position et ce, tout au long de sa vie. Tu vois, vraiment, je te comprends pas. Hein. T'as une nana à tout ce qu'il y a de plus super et tu vas te brancher cette bouffonne, là, mais... Bah, tu vois, j'ai pas de préjugés. Et puis cette bouffonne, elle est vachement excitante. Ouais, pour les vieux, peut-être. Merci. Bah, disons que je suis vieux. Je vais te dire une chose. Dans la vie, j'ai aimé et j'ai été aimé. Maintenant, j'en ai marre. Je me repose. Plus de grande passion. Mais alors, tu t'en fous ? Non, j'ai de la sympathie pour elle, j'ai même de la tendresse. Mais j'aime pas faire pleurer les gens. Tu vois, en fait, je suis trop gentil. Ça me met dans des situations impossibles. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. She called me Mr. Bombastic. Call me fantastic. Mr. Boom Boom Boom Boom Bombastic. Oui, Casanova était un lover au bombastique généreux. Et malgré son furieux besoin d'être aimé et son appétit insatiable du plaisir, il ne supportait pas de faire souffrir son entourage. Et sur la fin de sa vie, réfugié au château de Dux en Autriche, il se mit alors à rédiger ses mémoires, une œuvre littéraire magistrale, toujours considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures sources sur la vie sociale en Europe au XVIIIe siècle. Mais surtout, nous y découvrons trois éléments essentiels qui viennent nourrir notre démonstration. Primo, nous y apprenons que sa plus grande souffrance amoureuse fut sans aucun doute sa nostalgie de Venise qu'il fut contraint de fuir après son évasion. Et en amour, seul celui qui a souffert connaît la souffrance qu'il peut imposer à l'autre. Celui qui a souffert ménage toujours son entourage. Ensuite, son autobiographie nous révèle qu'il fut au final le prédateur de 122 femmes, ce qui franchement n'est pas énorme au regard de la sulfureuse réputation de notre patient. D'autant moins quand on sait par exemple que l'acteur américain Warren Beatty se vante d'avoir culbuté plus de 1000 conquêtes. Et enfin, fort de ses expériences variées, Casanova nous a offert une définition excitante et éclairée de l'amour. Sans attendre, découvrons-la sous sa plume. Qu'est-ce que l'amour ? J'ai lu bien du verbiage antique sur ce sujet. J'ai lu aussi la plupart de ce qu'en ont dit les modernes. Mais ni tout ce qu'on en a dit, ni tout ce que je m'en suis dit moi-même... Et pendant que j'étais jeune et maintenant que je ne le suis plus, rien, rien ne me fera avouer que l'amour soit une bagatelle ni une vanité. C'est une espèce de folie, oui, mais sur laquelle la philosophie n'a aucun pouvoir. C'est une maladie à laquelle l'homme est sujet à tout âge et qui est incurable si elle atteint dans la vieillesse. Amour, être, sentiment indéfinissable... Dieu de la nature, douce amertume, amertume cruelle, amour, monstre charmant, qu'on ne peut définir et qui, au milieu de mille peines que tu répands sur la vie, sème l'existence de tant de plaisirs que sans toi, l'être et le néant seraient unis et confondus. Oui, pour notre patient, sans l'amour, l'être et le néant seraient unis et confondus. Triste perspective, n'est-ce pas ? Néanmoins, il ne faut jamais oublier non plus que notre Casanova fut tout de même une proie facile au redoutable danger qu'est l'amour de soi. Ainsi, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut la déchéance physique et psychologique de celui qui put prétendre rivaliser avec Narcisse. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et discernons ensemble chez Casanova l'amour de l'autre et l'amour de soi. Lanterne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! The radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alors les mecs, professeur, pardon. Le gosbo du jour serait donc Casanova. Eh bien, sachez que pour ce dossier, je ne me suis pas laissé charmer. Et malgré les apparences, il a été assez facile de cerner le bonhomme. Nous connaissons un peu cet homme, grand et lancé, au teint africain, comme dit le prince de ligne, qui, sans être beau, a quelque chose de mieux que la beauté. Avant de consacrer quelques moments qui promettent de n'être pas ennuyeux à ce qu'on pourrait appeler le portrait de Casanova, laissons-le se décrire lui-même. Je prends grand soin de moi. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, j'applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Puis sous la douche, j'utilise tout d'abord un gel moussant, puis un gommage corps au miel et aux amandes, et un gommage pour le visage. Et oui, si toute sa vie Casanova a fait preuve de beaucoup d'opportunisme, il se sera tenu à respecter au moins une règle de conduite, celle de la coquetterie, en se fichant éperdument des conséquences que cela pourrait avoir. Maintenant qu'il sait qu'il est beau garçon, il ne va plus chercher à faire d'efforts pour devenir meilleur. Désormais, dans sa vie, il ne pense qu'aux filles. Il ne réalisera qu'à l'âge de 40 ans qu'il n'est qu'un sombre connard. Être un canon de beauté, c'est sûr, c'est du boulot. Mais c'est surtout éphémère. Alors, passé un certain âge, Casanova est prêt à opérer de n'importe quelle manière pour conserver son sexe à pile. Vous ne devriez pas être gêné. Tout le monde a recours à la chirurgie esthétique aujourd'hui. Je dois admettre que j'assume encore assez mal de me faire refaire le nez. J'ai dit que j'avais des hémorroïdes. Nous pourrions redresser l'arête du nez pour obtenir quelque chose comme ceci. Waouh, c'est ça! C'est le nez que je veux avoir! Parfait, c'est noté. Bien, je dois vous avertir qu'il existe certains risques. Vous pouvez vous réveiller transformé en une créature hideuse, d'une laideur si terrifiante que vous serez forcé de vivre dans les égouts dont vous ne sortirez que la nuit pour voler de quoi vous nourrir. Je m'en accommoderai. Parfait, dans ce cas, commençons. Sûr de son coup, Casanova passe alors de playboy à cobaye, sans se soucier des ravages d'un tel ravalement de façade. Mais bon, il faut dire qu'il y a de quoi faire parce que la vérole, ça laisse des traces. Casanova n'était pas fait pour vieillir. Parce que moi, j'ai vraiment pas de face. Pas de face. Oui, je suis vraiment dégueulasse. Non, non, non. Moi, j'ai vraiment pas de face. Non, j'ai pas de face. Pas étonnant que Casanova ait ainsi tenu à passer les dernières années de sa vie enfermé dans son château de luxe. Parce que quand on passe de bête de sexe à bête de foire, le succès n'est pas vraiment le même à assumer. Et quand je te disais qu'il était atroce, atroce, il est beau notre Don Juan, non? Allez, vas-y, ma chatte, donne un bisou au Don Juan. Je ne suis pas un éléphant! Je ne suis pas un animal! Je suis un être humain! T'as vu la tronche? Ah, il est moche, hein? Gueule de raie! That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête qui nous révèle ici qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il fut bibliothécaire en Autriche, Casanova devint terriblement laid, ravagé par la vérole pépère, à tel point que les domestiques du château de Dux, qui le haïssaient, auraient très bien pu le surnommer « Face de Raie ». Tu me diras, aujourd'hui, sur les plages du Lido, face à Venise, le Casanova postmoderne a fait sienne cette référence aux poissons à nageoires. Putain, je m'éclate là dans tous les sens. Tu sais, je viens de faire tout à l'heure, j'ai fait une blague, j'étais en train de nager sur la plage. Ouais. Et d'un coup, tu sais comment vite, on est complice, hein, c'est comme ma femme, c'est mieux même. Hein. Ouais. Attends, c'est quoi? J'étais comme ça, je faisais la planche. Je me suis pas rendu compte, et ma vite, c'est moi, elle est toujours prête à partir, hein, si jamais il faut. Même. Et oh, j'entends sa pleure, sa crie sur la plage, ils gueulaient tous, rock'n'beat. Ils sont tous barrés de la plage, ils disaient, c'est moi, c'est Rocco. Ils flippaient comme ça, j'arrivais à la plage avec, et ils disaient, le requin, il marche. On a rigolé, le rock'n'beat. Oh, allez, je t'embrasse, ciao. Bien, après avoir pris connaissance des facétieuses galéjades du Casanova vénitien postmoderne, il est temps désormais justement d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste comme d'habitude à repérer les résurgences contemporaines de la structure mentale éminemment anxiolytique, de notre insaisissable libertin au priapisme frénétique. Alors, figure-toi que ce matin, nous allons essayer, dans les minutes qui viennent, de nous lancer à la recherche du Casanova français d'aujourd'hui. Car il est évident que, devant la fascination qu'elle engendre, la psyché de notre patient a connu ici et là quelques renaissances. Bon, là je te vois venir, et j'entends d'ici les mauvais esprits murmurer sournoisement « Ah, ben ils vont forcément dézinguer Dominique Strauss-Kahn !» Ah non, non, non, non, non, Verboten, c'est devenu un sujet blacklisté ici. Manquerait plus que M. Sarkozy se prononce sur notre boulot après. Attends, déjà que... Mais bon, nous sommes bien d'accord, Casanova est devenu le big boss du FMI. Mais bon, faisons comme si de rien n'était et essayons dès lors de découvrir qui sont les autres Casanova. Eh bien, amorçons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Bochelet, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre vénitien à la philosophie sous-estimée au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée Giacomo Land, où nous croiserons un homme là aussi incompris de ses contemporains. L'expert jungien, portez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je vais vous demander de m'accorder une faveur. Volontiers, docteur. Je suis très nerveux et je serais content si vous consentiez à venir vous promener avec moi. Je crois que vous ne prenez votre service qu'après le dîner. Je crois que Casanova est encore plus amoureux de l'amour qu'amoureux des femmes. Ségolène Royal et François Hollande s'étaient rencontrés sur les bancs de l'ENA. Ils vivaient maritalement depuis une trentaine d'années. Je pense que les choses ont été dites. Je les ai confirmées. Moi, j'ai toujours veillé à séparer la vie politique, qui doit avoir ses principes, ses règles et ses fondements, de la vie privée, qui doit être protégée. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Les femmes sont le truchement à travers lesquels il réussit à exprimer le mieux ses sensations, ses sentiments. Allez, venez. Allons voir des arbres normaux, des oiseaux sans névrose et des nuages sans complexe. Le Parti socialiste, j'en suis le garant. Il doit avoir ses règles, il doit avoir son calendrier, il doit avoir sa méthode. Et en même temps, Ségolène Royal a raison sur vraiment un point, il ne faut pas perdre de temps. Après ce qui s'est passé, après une campagne, il faut agir, il faut être prêt pour la relève, il faut être prêt pour les propositions, il faut faire des choix clairs. Vous ne connaissez que son cerveau, mais vous ne connaissez pas son cœur. Voilà bien la sotte contradiction féminine que j'attendais. Oui, en effet, c'est une période... D'abord, où les femmes ont cessé de s'intéresser à lui, ce qui est déjà, pour Casanova, extrêmement grave. Vous devez savoir que la cervelle d'une femme qui aime est ramenée au niveau intellectuel le plus bas qui soit. Ce que j'ai retenu après 2002, après une épreuve extrêmement cruelle, c'est la capacité à tenir bon. Et j'ai tenu bon dans toute cette période de 2002 à 2007. Ça n'a pas été conclu par une victoire en 2007. Ça aurait pu, ça aurait dû. Le médecin m'interdit de fumer le matin, me souhaite trop nerveux. Parce que j'ai un peu plus d'expérience que vous. Et d'autre part, il est devenu amer, aigri. On vous dit vieilli, usé, fatigué à la tête du Parti Socialiste. Il paraît que vous avez même perdu votre sens de l'humour, François Hollande. Ouais, écoutez, ça serait très difficile de me l'enlever, de me l'arracher. C'est aussi fort que mes convictions socialistes. Il ne parle pas de moi. Étonnant, non ? Étonnant, certes, mais je te sens tout de même encore sceptique quant à la pertinence de ce parallèle jungien entre François Hollande et Giacomo Casanova. Et pourtant, fais-nous confiance, il n'est pas inopportun. Car vois-tu, on associe sans cesse Casanova au plaisir, au libertinage, à la frivolité, mais c'est ainsi sous-estimer la force de sa dimension politique. Car plus que tout autre, Casanova est l'incarnation du siècle des Lumières. Il a vécu en homme libre, libre de penser et surtout libre d'action. Cultiver les plaisirs de mes sens fut durant toute ma vie ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus importante, nous dit-il. Encore une fois, le plaisir au centre de la vie. C'est là un authentique programme politique, mais que malheureusement, jamais Casanova n'a pu mettre en application, puisque jamais il ne fut réellement en possession du pouvoir, jamais il ne fut ministre de qui que ce soit. Et là, forcément, tu comprends mieux notre comparaison avec François Hollande. Personne ne peut préjuger de son programme politique, puisqu'il n'a jamais exercé le pouvoir, pépère. Enfin bon, je sens bien que notre démonstration d'un véritable Casanova politique te séduit moins que l'image du légendaire fornicateur défroqué. Alors, à la demande générale, revenons à ce qui fait tourner le monde. Les mémoires du XVIIe siècle sont remplies d'histoires d'hommes que leurs maîtresses font vivre. Au XVIIIe, il en restait encore quelque chose, mais ce qui donne un tour inimitable au récit de Casanova, c'est qu'il mêle à des aventures de cette sorte les sentiments dont il parle toujours tant. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Parce que la vie d'un président, sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Et donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Tu crois que tu aimes l'amour, mais ce n'est pas vrai. Tu aimes l'idée de l'amour. Remarque, j'ai été heureuse avec toi. Je te rappelle le deuxième soir, quand tu m'as demandé à partir de maintenant, est-ce que j'ai le droit de poser mes mains sur vous? Est-ce que j'ai le droit de vous toucher partout, sous vos robes, sous vos jupes? J'étais stupéfaite. On ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle a fait honneur à notre pays, pas simplement pour des raisons d'apparence extérieure, parce que, à l'intérieur de l'apparence, chacun a compris que c'est une femme qui a des convictions, une sensibilité, une humanité. Écoute, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais tu arrêtes de penser qu'il s'agissait là d'une remarque déguisée de Dominique Strauss-Kahn. Tu veux qu'on ait des ennuis ou quoi? Ça suffit maintenant. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patient vénitien, revenons fissa à l'abri des murs du ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques casanovistes. Alors comme d'habitude, c'est complètement absurde et totalement croquignolesque, mais bon, c'est la tradition... Les malades ont la parole. Ouais, ouais, je t'aime bien Casanova, l'homme à femme, l'homme à fable, le bourreau des cœurs, le céréal, niqueur. Mais fais gaffe, Casa, t'es trop porté sur la chose. Déjà, quand t'es petit à Venise, tu dis aux filles du Lido, tu veux voir mon Vaporetto? Et elle, forcément, elle se gondole. Et après, quand t'es ado, on t'appelle le dragueur de la lagune. Et plus tard, tu deviens l'obsédé du grand canal. Oh, c'est pas étonnant, t'es poudré comme un loukoum au gingembre. T'es sapé comme une poupée russe, t'as chaud dans tes collants. Et dès que tu mates une meuf, t'as la tour de Pise qui bat la Toscane. Pourtant, t'as fait des études religieuses pour devenir prêtre. Mais dis-moi, à ce moment-là, est-ce que vraiment tu priais à Dieu ou déjà tu priais à Pisme? Je suis trop con. Let's go. toujours pas, ce sont les cures qui ont cure de leur apparence virile. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique confirme évidemment les dérives psychotiques de Giacomo Casanova, le séducteur impénitent qui, hélas, a ouvert la voie aux gros relous qui, malheureusement aujourd'hui encore, sévissent dans les nightclubs et sur les plages, mais sans avoir une once de son charisme et de son talent. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ? Ça va pas, non ? Bon, j'insiste pas. Pas possible ! Tu vas faire toute la plage ? Waouh ! Gentille, la petite. Et hop là ! À la longue, ça risque de marcher. C'est peut-être une affaire, ce type. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Et c'est l'autre grosse vache qui va se faire sauter ? Oh, la salope ! Hop là ! Je suis conne de ne pas avoir accepté. Eh oui, il faut au moins goûter avant de dire non. Ainsi, le ministère psychique, soucieux de l'ordre moral et de la tenue irréprochable de ses petites internes, décide de libérer Fissa, le turbulent Casanova. Allez, hop ! Dehors, Giacomo ! Les tombeurs ici, c'est nous ! T'aurais pas des conseils ? Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 29e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à l'indétrônable coureur de jupons, Giacomo Casanova. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutello Manette, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Mathias Alléon, merci beaucoup, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beauchelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, le ministère psychique plonge dans la grunge attitude, puisque c'est une aubaine. Nous recevons Kurt Cobain. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin, à 11h et en direct sur France Inter, pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour La Prochaine Fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?